Jeanne, Jeannette, Ninette, Nini, Ninon, Nichon, Mimi, Mamour, Ma Poupoule, Mon Pérou, Dodo Dondon, Carotte ma crotte, Chouchou petit cœur, Cocotte, Chère petite chèvre, Mon petit péché mignon, Concon, Coucou, elle dort. Elle dort, et toutes les heures du monde, elle n'en a pas gobé une seule. Tous les visages entrevus dans les gares, toutes les horloges, l'heure de Paris, l'heure de Berlin, l'heure de Saint-Pétersbourg, et l'heure de toutes les gares, et à Oufa, le visage ensanglanté du canonnier, et le cadran bêtement lumineux de Grodno, et l'avance perpétuelle du train. Tous les matins, on met les montres à l'heure, le train avance, et le soleil retarde, rien n'y fait. J'entends les cloches sonores, le gros bourdon de Notre-Dame, la cloche aigrelette du Louvre qui sonna la Barthélemy, les carillons rouillés de Bruges la Morte, les sonneries électriques de la bibliothèque de New York. Maintenant, c'était moi qui avais pris place au piano, et j'avais mal aux dents. Je revois quand je veux cet intérieur si calme, le magasin du père et les yeux de la fille qui venait le soir dans mon lit. Moussorski, et le leader de Hugo Wolf, et les sables de Gobi, et à Railar, une caravane de chameaux blancs. Je crois bien que j'étais ivre durant plus de 500 kilomètres, mais j'étais au piano, et c'est tout ce que je vis. Quand on voyage, on devrait fermer les yeux. Dormir. J'aurais tant voulu dormir. Je reconnais tous les pays, les yeux fermés à leur odeur, et je reconnais tous les trains, au bruit qu'ils font. Les trains d'Europe sont à 4 temps, tandis que ceux d'Asie sont à 5 ou 7 temps. D'autres vont en sourdine, sont des berceuses. Il y en a qui, dans le bruit monotone des roues, me rappellent la prose lourde de Maeterlinck. J'ai déchiffré tous les textes confus des roues et j'ai rassemblé les éléments épars d'une violente beauté que je possède et qui me force. Tzistika et Rarbin. Je ne vais pas plus loin. C'est la dernière station. Je débarquais à Rarbin comme on venait de mettre le feu au bureau de la Croix-Rouge.